plus chaude de la semaine. Vendredi, on aura une transition avec temporairement plus de nuages, mais a priori un temps qui reste sec. Températures qui vont redescendre légèrement, 20 à 25 degrés. Et samedi, eh bien, les températures repartent à la hausse, mais le temps deviendra plus lourd. Le risque d'orage augmentera au fil des heures. Bel après-midi à l'écoute de Vivacité, les 13h. A-t-on le droit de couper son GSM en quittant le bureau, de ne plus regarder ses mails? Ça s'appelle le droit à la déconnexion. La France vient de voter une loi dans ce sens. On verra ce qu'il en est en Belgique. Le vol d'un anneau et d'une croix en or à Orval, croix et anneau de Montgaillard, père emblématique de l'abbaye. Sans doute le geste d'un collectionneur, véritable catastrophe pour le musée de l'abbaye. La condamnation aussi d'un joueur de foot amateur à Liège. Il s'en était pris à l'arbitre. Il écope d'une peine de 250 heures de travail. Et puis dans quelques heures, le début des Paralympiques à Rio. La Belgique vise 7 médailles. Le développement de ces titres, le journal de 13h présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie. D'abord, ces inquiétudes chez Etias. Après Caterpillar et AXA en début de semaine, il y a des rumeurs de restructuration qui circulent chez ING. Mais ce matin, c'est donc chez Etias, l'assureur, que ça s'agisse. Le directeur a été remercié. On évoque un rapprochement entre Etias et le groupe bancaire Belfius. Le 7K, le syndicat des employés et cadres, s'y oppose. Il craint un bain de sang social. Le conseil d'entreprise extraordinaire s'est terminé ce matin. Des échos dans nos éditions de cet après-midi. A-t-on le droit de couper son GSM le soir et la nuit, de ne pas répondre aux mails et aux SMS dans la minute? Ça s'appelle le droit à la déconnexion. En France, une loi impose que chaque entreprise clarifie cette question dès le mois de janvier 2017. Chez nous, rien de similaire. Pourtant, les problèmes sont les mêmes pour les travailleurs belges, cadres ou pas, Thierry Van Gulik. Le GSM qui vibre à 23h, l'icône message qui clignote sur le PC à 5h du matin, les sollicitations des employeurs ou des collègues en dehors des heures normales de travail se multiplient. D'autant que de plus en plus de salariés sont équipés de GSM ou d'ordinateurs portables par leur entreprise, qui attend en retour une certaine souplesse, laquelle devient vite une obligation morale. Sinon légal, puisqu'aucun texte n'aborde réellement cette question. Jean-Philippe Cordier, avocat spécialisé dans le droit du travail. Le législateur ne s'est pas encore intéressé à la question, laissant probablement le soin aux entreprises de s'autoréguler et de prévoir elles-mêmes ce fameux droit à la déconnexion des salariés d'une entreprise. Une autorégulation bien difficile à mettre en œuvre, comme le montre une enquête réalisée par la FGTB sur l'utilisation des nouveaux moyens de communication auprès de 1700 salariés. Et on constatait que 7 sur 10 considéraient que ces outils comme des facteurs de stress en dehors du cadre de travail. Jean-François Tamilini, secrétaire fédéral. Il y a une utilisation abusive dans certains cas de travailleurs qui, malgré un contrat de travail à temps partiel, eh bien, presque quasiment un temps plein avec l'utilisation de ces outils de communication. Et la FGTB demande que des mesures soient enfin prises au niveau légal pour que ces situations soient mieux régulées. Depuis 2010, le nombre de burn-out a augmenté de 67%. 80 000 burn-out diagnostiqués chaque année en Belgique. Ce sera le thème de l'émission Questions à la une ce soir. Acheter ses fruits, ses légumes, ses yaourts via un groupe d'achat collectif, un GAC, ou directement chez le producteur, peut-il être dangereux pour la santé? L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA, veut en tout cas mieux encadrer ce commerce. Elle a sorti une circulaire dans ce sens en novembre dernier. Les producteurs ou les livreurs devront s'enregistrer. Aujourd'hui, certains se demandent si on ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues. La députée écolo Muriel Gerkens parle d'excès de zèle. Elle posera la question en commission à la Chambre. À quelques jours des journées du patrimoine, sur le thème du patrimoine religieux et philosophique, ce vol très étrange au musée de l'abbaye d'Orval. Deux objets particuliers liés à l'histoire d'Orval se sont volatilisés. Il s'agit de l'anneau abbatial et de la croix pectorale de Bernard de Montgaillard. Marc Aide est le président de la SBL Aurea Wallis et Villaret, ASBL de défense du patrimoine à Orval. Ce vol, pour lui, c'est un scandale. Ces pièces étaient en or, elles ne contenaient pas de pierres précieuses, mais c'est un vol commandité par des connaisseurs. Quand on sait qui les portait, c'est là qu'on mesure l'importance de ces objets. Donc ça appartenait à l'abbé de Montgaillard, qui était considéré comme le deuxième fondateur d'Orval, le premier étant le bienheureux Constantin. Donc Bernard de Montgaillard était, avant d'arriver à Orval, était successivement le prédicateur ordinaire de la famille royale française d'Henri III et de sa maman Catherine de Médicis. Et c'est précisément Henri III qui était un de ses grands amis, qui lui a offert ces objets. C'est important de diffuser l'information justement pour attirer l'attention peut-être des professionnels du marché de l'art s'ils voient ces pièces circuler. Ah bien sûr, mais je pense qu'il y a peu d'espoir qu'on retrouve ces objets. Celui qui a commandé ces objets devait être sûrement un grand connaisseur ou un admirateur de Bernard de Montgaillard. Marquette de la SBL de défense et promotion du patrimoine du site d'Orval avec Anne Lemaire. Cambriolage aussi à l'école Saint-François d'Assise de Waterloo. La police a surpris les voleurs en flagrant délit vers 5h ce matin. Ils tentaient d'ouvrir un coffre-fort dans le bureau de la direction. Ils se sont enfuis dès qu'ils ont vu arriver les combis. Ce matin, les policiers les recherchaient toujours. Ils ont fait appel à l'hélico de la police fédérale. Les maternelles n'ont pas pu rentrer dans leur classe. 250 heures de travail pour avoir bousculé un arbitre. C'est la sanction du tribunal correctionnel de Liège à l'égard d'un joueur de foot. L'homme exclu du terrain avait bousculé l'arbitre. C'était en avril 2015 à Bassange, un match qui opposait Bassange à Juprel. Jean-Paul Reinders, l'avocat du joueur de foot, estime que le tribunal a voulu faire un exemple et que la sanction est un peu sévère. Le tribunal a retenu la qualification des coups et blessures avec une incapacité permanente, avec la circonstance également que la victime est un arbitre, a condamné mon client à une peine de travail de 250 heures, ce qui est quand même relativement conséquent. La peine subsidiaire est de 3 ans d'emprisonnement. Je pense que le tribunal a aussi voulu, par rapport à certains incidents de match qui parfois se répètent et s'avèrent extrêmement graves, de donner un signal à l'égard des arbitres, qui doivent évidemment être protégés. Nous contestions l'importance des coups. Il n'est pas exclu que nous fassions appel de cette décision, mais il est trop tôt pour se prononcer à cet égard. L'avocat du joueur Jean-Paul Reinders avec François Bréban. Le foot, ça peut aussi être très positif. Participer à une compétition de foot, par exemple, peut donner une autre image de soi. C'est l'objectif de la Homeless Cup, la Coupe des sans-abri. Elle fait escale à Mons toute la journée pour un tournoi amical avant le début des choses sérieuses. Les premiers matchs ont eu lieu ce matin et Marianne Brillot était sur le bord du terrain. Chacun à son poste, chacun avec ses responsabilités. Il a fallu s'entraîner pour ce tournoi et donc retrouver un rythme de vie presque normal. En jouant au foot, Fabrice, Joe et les autres veulent aussi casser leur isolement. Ça change un petit peu les idées, ça fait bouger le corps et tout. Et c'est bien jouer au foot et pas faire de conneries comme ça. Quand vous êtes sur le terrain, vous pensez à votre situation, à votre vie tous les jours ? Des fois, on est là, on fait que faire ses papiers, on est là toute la journée à faire ses papiers, on a rien d'autre à faire, juste pour essayer de s'arranger pour qu'on va mieux, quoi. Les éducateurs se sont transformés en entraîneurs, en coachs, même si c'est ce qu'ils sont un peu tous les jours, avec leurs gars, comme ils disent. Mathieu Renard est assistant social à la SBL, comme chez vous, de Charleroi. Il n'y a pas que le social, il n'y a pas que le malheur, entre guillemets, comme on peut entendre parfois. Il y a aussi le foot qui rassemble. C'est vraiment aussi plus l'idée de se dire, bah tiens, voilà, on fait aussi une pause et un break dans toute cette misère, on va dire, quotidienne, pour se rencontrer, se rassembler et passer un bon moment au final. Ensemble. L'équipe de Fabrice vient de l'emporter 5-0, peu importe le score, même si... C'est plus mieux de gagner, parce que comme ça on peut aller encore plus loin en finale et tout. Deux personnes arrêtées à Paris hier. On avait retrouvé plusieurs bonbonnes de gaz dans leur véhicule garé près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était ce week-end. La mobilisation aussi des pompiers dans le nord-ouest de l'Espagne. Le pays traverse une vague de chaleur historique. 5 feux ont parcouru au total 3300 hectares de forêt depuis lundi en Galice. Moins de caméras, moins de paillettes qu'au JO du mois d'août, mais tout de même un gros événement sportif qui commence aujourd'hui. Les Jeux paralympiques de Rio réunissent 4300 athlètes. Ouverture officielle ce soir dans le mythique stade Maracana. Et Arnaud Montero, une vraie compétition hein, jusqu'au 18 septembre. Les paralympiques, c'est pas du chiquet. Effectivement, ce sont les mêmes émotions, les mêmes exploits qu'aux Jeux olympiques, mais avec ceci de différent quand même que les 4300 athlètes paralympiques ont tous vécu un drame personnel. Malformation à la naissance, accident de voiture, maladie, le destin ne les a vraiment pas gâtés, mais ne leur parlez surtout pas de fatalité. Au-delà du débat technologique, l'Allemand Markus Rehm, amputé de la jambe droite, saute 8,40 m à la longueur. Il aurait tout simplement été champion olympique chez les Valides cette année à Rio. L'athlète kényan Wenyok Henry, aveugle lui de naissance, a dû tirer son guide jusqu'à la ligne d'arrivée pour devenir champion paralympique du 5000 mètres à Sydney. Alors, est-ce qu'on a des chances de médailles chez nous, comme à Londres en 2012, Arnaud ? Oui, comme à Londres, la délégation vise 7 médailles, soit une de plus que les Valides emmenées cette année par Nafi Thiam et Greg Van Avermaet. Michel Georges en équitation et Joachim Gérard en tennis sont de belles chances de médailles. Marik Vervoort, elle, mérite aussi notre attention. Victime d'une maladie incurable depuis l'enfance, l'athlète souffre tous les jours au point de penser à mettre fin à sa vie. Mais elle s'est promise de tenir au moins jusqu'au jeu et de défendre son titre paralympique. Pierre Collarbovi, plus de problèmes à Halleur sur nos routes. Non, effectivement, l'accident impliquant un camion sur le 40 Bruxelles-Liège à Halleur, c'est terminé. Il y avait des fils depuis 11, mais tout ça se résorbe progressivement. Il y a même quelques répercussions sur le 42 venant de Namur depuis Loncin, mais tout ça, ça s'arrange aussi progressivement. Alors, camion sur le flanc, sur le 313, Anvers-Liège, à hauteur de Tongres. La bande de gauche s'est fermée. Il y a des fils sur plusieurs kilomètres en direction de Liège. Et dans l'autre sens, la circulation s'effectue uniquement sur la bande d'arrêt d'urgence. Encore un accident, mais sur la N4 à Namur-Arlon, à présent, à hauteur de Ciney, la bande de gauche est neutralisée en direction d'Arlon. Attention à cette perte d'huile sur le ring de Bruxelles, en intérieur, à hauteur de Wautier-Bren, les bandes de droite et l'arrêt d'urgence sont neutralisées en direction de Grand-Durée. Il faut procéder au nettoyage de la chaussée, bien évidemment. Et puis un petit ralentissement en Bruxelles, dans le tunnel Reyers-Centre, vers le centre. Et à l'instant même, on me signale un accident sur le 40 au stand de Bruxelles, entre Drangen et Westrem-Saint-Denis. Le passage est difficile, il y a des file en direction de Bruxelles. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, c'est la vie du bon côté. C'est avec Sylvie Honoré. Et vous allez vous pencher sur notre date de naissance. Absolument. Cela. Absolument. Mais pas que. On demande aux personnes qui vont intervenir aujourd'hui de nous poser vraiment des questions de vie. Vous voyez, voilà, j'en suis là dans ma vie. Voilà ce qui me freine. Voilà ce vers quoi j'aimerais avancer. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Ou qu'est-ce qui est un peu, pas prévu, je ne vais pas dire ça, mais voilà, comment est-ce que je dois analyser un peu le non-hasard de ma date de naissance ? C'est clair ? Très bien, enfin bon, on va suivre ça on avec intérêt. On a deux heures pour en parler. Merci pour ce journal, l'info revient à 14h. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. La vie côté soleil, en plus aujourd'hui il y a du soleil. Bonjour à tous et bienvenue, oh, ça me donne une énergie encore plus que d'habitude. Et vous Carole, Isabelle, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes du Québec? Oui, mon accent est très très prononcé, je suis arrivée hier matin. C'est ça, hier matin. Ça va, le jet lag, le décalage, tout ça, ça va? Pour l'instant, numéro un. Pour l'instant, ça va. OK, vous êtes là pendant 15 jours. Oui. Oh, on va se revoir alors. Des vraies vacances. On va essayer de se revoir. Bon, vous êtes, comme j'aime à le souligner quand je vous reçois, une invitée très chaleureuse, très québécoise aussi, mais bienvenue, curieuse, généreuse, vous êtes positive. Vous êtes animée aussi de cette même joie de vivre que moi, je pense, et d'une grande simplicité. Bon, mais par-dessus tout, ce que vous aimez le plus, c'est de communiquer avec les gens. Donc il existe, dites-vous, plusieurs versions du tarot de Marseille. Voici un outil fort puissant qui vous aidera à mieux vous comprendre et à faire la la paix avec vous-même. Vous apprendrez comment calculer une vie antérieure, dites-vous, pour faire un travail en douceur sur vous, tout en vous initiant à la lecture des cartes du tarot. Voilà un enseignement riche, simple et tellement efficace. Bon, on ne va peut-être pas entrer dans la thématique des vies antérieures, hein, pas que, quoi, hein, parce que ça reste encore un peu... Tout le monde n'est pas prêt à entendre tout ça. Non, et ce n'est pas tout le monde qui croit à ça. Il faut respecter les gens. Voilà. Donc, on va plutôt prendre le temps de se connaître grâce aux dates de naissance, l'heure, le lieu de votre venue au monde. Mais la date de naissance, c'est déjà pas mal. Alors, vous êtes arrivé avec un bouquin tout neuf, alors. Le tarot pour le cœur et l'âme. Il est tellement neuf qu'il n'est même pas sorti au Québec. C'est que pour moi. C'est que pour nous. Je suis arrivée avec, vous dites un carton, moi je dirais une boîte. Oui, une boîte. Un livre. Alors, au salon, je vais en avoir. Oui. C'est certain que c'est ma copine Anne qui a eu le premier. C'est la première, j'ai croisé. Oui, d'accord, j'étais la deuxième, allez, j'accepte. Ouf. Vous serez au salon Zentopia, on aura l'occasion de le redire, donc le repréciser, on pourra vous voir. Bon, on demande donc aujourd'hui, pendant 2 heures, de venir nous donner votre date de naissance, ça c'est une chose, mais surtout, de nous dire où vous en êtes. Voilà, j'en suis où, moi, dans ma vie? Je suis là, Sylvie, dans ma vie. Ça veut dire que je sors peut-être d'un burn-out, parce que j'ai vu ça. Je sors peut-être d'une rupture. Je sors peut-être d'une période difficile. Ou alors, tout va bien, Sylvie, pour moi. Est-ce que je vais continuer dans cette voie-là? Venez vraiment nous dire quel est votre objectif de vie. Quels sont peut-être vos objectifs à atteindre? Qu'est-ce qui vous empêche de l'atteindre, selon vous? Et elle, Carole, elle vous dira, selon elle, selon ce que le tarot révèle. Par rapport à la date de naissance. Ce que les chiffres vont me dire. Les chiffres. Chaque de 1 à 22, c'est une carte de tarot. Oui. Et pour moi, ce chiffre, ce nombre, c'est de l'énergie. Et comme tout est énergie, en effet, tous les chiffres sont énergie. 070 23 33 23, SMS 30 63 50 centimes par message, avec Carole Isabelle, avec le Québec, avec le soleil, avec vous. C'est parti. La vie du bon côté. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. More like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. Just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Yeah. So

avec Carole Isabelle, auteure et conférencière québécoise. Quand vous venez, Carole, ben voilà, déjà on essaie de caler un rendez-vous parce que je sais que ça parle beaucoup, beaucoup aux auditeurs. Et comme on l'a déjà fait donc précédemment lors de vos venues, on vous demande aujourd'hui, chers auditeurs, de nous donner votre date de naissance et de poser une question un peu existentielle sur votre parcours de vie, de nous donner quelques renseignements sur vous. Et Carole, vous les aiguillez peut-être vers la recherche de réponses à leurs questions. On est bien d'accord, car tout doit venir d'eux. Vous n'êtes pas Madame Soleil, vous ne faites pas du prévisionnel dans le temps. Tout doit venir d'eux. Vous donnez simplement des pistes. Une piste, exactement. Voilà, une piste, on va dire ça. Et ensuite, le chemin doit être entrepris par eux, quoi. Hein. La décision doit toujours venir de nous, de notre cœur, le plus possible. Parfois de la tête, parce qu'on a besoin du mental aussi. Oui, le cœur et l'esprit. Le cœur et l'esprit et l'âme, qui n'est jamais bien loin, bien sûr. Oui. Hein, on ne l'oublie pas, celle-là. Christian, bonjour, bienvenue, Christian. Bonjour Sylvie, bonjour Carole, vous allez bien? Oui. Et vous? Oui, ça va, merci. Vous êtes né le 29 mars 1965, Christian. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes en pleine réorientation professionnelle maintenant ou vous dirigez? Oui, j'ai pris des études d'éducateur et là maintenant, j'essaie de me réorienter vers un autre service ou alors un autre travail en extérieur. Et en octobre, je reprends encore des études en systémique et donc là, j'ai toujours un peu du mal à me réorienter parce que souvent, à la dernière minute, je me fais coiffer ou poteau. Et donc, j'ai vraiment juste besoin d'un conseil par rapport à mes numéros de base pour essayer de m'orienter au plus juste, quoi. D'accord. Alors, pour moi, ce qui est important pour vous, et dites-vous que je n'ai pas nécessairement la vérité. C'est vous qui avez votre vérité. Tout à fait. Une énergie, pour moi, le tarot, c'est de l'énergie. Alors, pour vous, quelque chose qui peut être très utile, c'est de respecter le temps. Ne sautez pas d'étapes. Allez doucement parfois, parce que vous serez toujours attiré vers la transformation, vers l'avancement. Mais trouvez votre équilibre à travers tout ça. Alors, avec le respect du temps, vous allez avancer. Et vous avez, on va dire que vous avez deux vitesses, vous. Vous aimez ça quand c'est très rapide et en d'autres temps, il faut prendre le temps. Donc, vous n'avez pas de milieu. Vous n'aimez pas les zones grises. C'est blanc ou c'est noir, mais pas de gris. C'est vrai? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, je suis un nuancé avec l'âge. Et en même temps, c'est vrai qu'au point de vue du temps, j'abats toujours mon jeu trop vite. Alors, prenez le temps. Allez voir dans votre cœur qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Bon, je vais vous dire ce qui me passe, mais vous êtes fait pour le succès. Arrêtez de vous battre avec vous-même. Croyez en vous. Exactement. En gros, c'est exactement. Ça. C'est peut-être ce qui est parfois le plus difficile à entendre, hein, Carole. C'est vrai, hein? Oui, et le plus difficile pour vous, c'est même pas le mot lâcher prise. C'est accepter que vous serez toujours confronté, pas toujours. D'une façon, vous êtes confronté à couper avec le passé. Il faut avancer, il faut aller vers l'avant. Bon, dans quelques instants, vous nous direz un peu comment vous calculez ça, hein, pour vraiment donner un maximum d'informations aux personnes qui peuvent peut-être faire les calculs aussi de leur côté. J'ai quand même envie d'entendre Vincent, message très fort. Vincent, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô, une fois, deux fois, trois fois. Nous ne l'entendrons pas. On essaiera d'y revenir dans quelques instants. On avait le message de Colette tout à l'heure. Je vous ai donné sa date de naissance à Colette. Où est-elle, Colette? Ah oui, elle dit « Ma vie piétine depuis trop longtemps, Sylvie. Je suis née le 18 février 1949. Elle ne peut malheureusement pas intervenir sur antenne, mais je sens qu'elle a envie de vous entendre. » D'accord. Alors, bonjour Colette. Ce qui est important pour vous, c'est de trouver votre équilibre, d'être le plus possible honnête avec vous-même. C'est important. Dans n'importe quelle chose que vous allez entreprendre, allez vous consulter à l'intérieur et soyez vrai avec vous-même. Et le discernement aura toujours une grosse place, une grande place. Et vous avez deux fois le chiffre 7 qui est le chariot. Alors, vous avez besoin d'être flexible, mais d'avancer. Allez vers l'avant. Prenez le temps. Bon, Colette qui nous entend donc, mais on aimerait évidemment avoir des personnes au téléphone, comme ça il y a quand même un ressenti de la part de l'auditeur à qui vous vous adressez. 30 63, on va peut-être privilégier le SMS, comme ça vous nous donnez votre date de naissance et surtout la question, c'est beaucoup plus rapide pour nous aussi d'avoir vos messages. 50 centimes par message si vous souhaitez donc intervenir aujourd'hui sur antenne. Voici Paul McCartney, du temps des Wings, en souvenir sur Viva. Paul McCartney et les Wings avec les cornemuses derrière cette chanson. Carole Isabelle, auteure et conférencière québécoise, elle s'intéresse pour vous au tarot et pour elle-même bien sûr, hein, tarot, le tarot depuis toujours, le tarot. Oh, depuis peut-être 20 ans, 15 ans. Oui, oui, quand même, c'est parce que j'adore le tarot, ça m'aide beaucoup dans ma vie à la voir différemment, à comprendre des choses, à avancer, à pour me prendre en charge. Ouais. D'abord. Et quoi, vous faites tarot tous les jours? Il y a moyen de tirer une carte? Non, c'est... pour moi, les chiffres, c'est une énergie. Alors, quand il m'arrive une situation, je me dis, je ne crois pas au hasard. Alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi? Et je connais bien ma date de naissance. Alors, ma date de naissance, pour moi, c'est ce que je viens de travailler au niveau de mon être. Mm-hmm. Ce n'est pas une question de personnalité mm-hmm. ou défaut ou qualité. Mm-hmm. Vous n'êtes pas née par hasard ce jour-là? Non. Mais moi non plus, c'est marrant ça. Hein bon, on aura Vincent et Nathalie dans quelques instants qui viendront nous parler bah, d'eux-mêmes, bien entendu, avec leur date de naissance, 3063, pour vos messages à vous. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Vous avez entendu cet énorme bruit? Ce sont les journées colossales chez Colishop. Des réductions jusqu'à moins 50% sur le matériel de fitness, l'électro et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Ah mais, je pensais que ça voulait dire « ça jadouille, moi ». Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur Gaïa.be. Le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique pour se retrouver en famille. Avec des amis ou entre collègues, et vivre ensemble des sensations inoubliables. Participez à notre baptême de piste et prenez d'assaut le célèbre Raidillon. Deux tours aux côtés d'un de nos pilotes et deux tours soi-même au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199€. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est froid ça! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, non! Ah, bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve disponible sur vousmobile.be. Il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Carole Isabelle, auteure et conférencière québécoise, auteure de ce dernier livre, tout sorti tout chaud du four, Le tarot pour le cœur et l'âme, calcul pour la vie antérieure. On parle de vos vies maintenant, vos vies présentement maintenant, celles que vous vivez aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de questions, Carole, sur le travail, vraiment. Je vois le message de Jocelyne, j'ai changé de travail, mais je ne me sens pas vraiment à ma place. Dois-je continuer ainsi? Dois-je trouver une voie plus épanouissante? Autre message de Sophie, j'ai perdu deux jobs, Sylvie, coup sur coup, je ne parviens pas à trouver quelque chose qui me correspond, je ne suis perdue, je ne sais plus vers où aller. C'est le genre de questions qu'on a en ce moment. Vincent, c'est un autre témoignage que vous allez nous apporter. Bonjour Vincent, bienvenue. Bonjour Sylvie, bonjour Carole. Voilà, donc moi j'ai entrepris, voici quelques années, donc de changer de sexe, étant donné que j'avais énormément de problèmes relationnels avec les femmes. Il y avait vraiment une confrontation entre le ressenti et le fait d'être. Donc elle voyait un homme et elle ressentait une femme. Et depuis que j'ai entrepris donc cette transformation, je n'ai plus aucun problème avec les femmes. On se sent parfaitement à l'aise avec... Enfin, elle et moi, on se sent parfaitement à l'aise. Il y a des conversations sans aucun a priori, alors qu'avant, il y avait vraiment un mal-être total, aussi bien vis-à-vis d'elle que moi vis-à-vis d'elle. Donc, c'était vraiment terrible, terrible. Alors, j'aurais bien voulu savoir à quoi était-ce dû, si c'était mes vies antérieures, si c'était normal de naître garçon et puis de devenir femme en vieillissant, quoi. Mm-hmm. Bon. Je ne vais pas jouer dans les vies antérieures, mais je peux vous dire que vous avez, à quelque part, vous avez fait une boucle avec un passé. Une bourde. Une boucle. Une boucle, quelque chose. Boucle. Ah, oui, quelque une chose boucle. De terminé, quoi. Oui. C'est, ça, c'est mon accent. Alors, oui, dans cette vie-ci, vous venez faire une boucle. Vous venez terminer des choses. Et je pense que vous avez réussi à travers ce que vous nous partagez. Elle a lâché prise d'avoir moins d'attente face à vous-même, face à la femme, face à l'homme aussi. Et je pense que vous avez réussi à dédramatiser, mais il va y avoir encore du travail à faire, à mettre ça plus léger. Et un grand ami en énergie, c'est le... Souvenez-vous de ceci, que le discernement, l'honnêteté face à vous-même et après face aux autres, ça va être important pour vous. De garder ça présent... Dites-vous, je prends le temps, mais de ne pas avoir d'attente, parce qu'autrement, vous allez vous faire mal, il va y avoir des blessures. Quand on a trop d'attente, bien, on est déçu de la vie des autres. Et à ce moment-là, on va les juger, on va les critiquer, on va leur dire c'est de leur faute. Alors, vous venez faire des boucles, tout simplement, avec ce fameux passé. Et vous êtes dans une nouvelle vie, et je pense que vous êtes sur une bonne route. Mais c'est vous qui devez ressentir que vous êtes sur la bonne route. Quel courage, en tout cas, d'avoir assumé ça jusqu'au bout, finalement. Hein, et c'est... de le partager aussi. Et de le partager, absolument. Merci, Vincent, pour votre témoignage. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour, Sylvie. Ça... bonjour, Carole. Bonjour. Concerne votre chemin de vie. Vous dites toujours des embûches sur mon chemin de vie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. Vous êtes pourtant une personne très positive, Nathalie. Et vous êtes née le 22 août 1968. Exactement, oui, c'est ça. Est-ce que vous fonctionnez en général avec votre cœur? Est-ce que vous prenez le temps d'aller vous consulter à l'intérieur et voir si ça sourit en dedans? je crois pas que ça sourit tout le temps, non. Non, ça peut pas toujours sourire. La vie, c'est des hauts et des bas. Mais il faut pas que ça soit toujours qu'on soit dans les bas. Et il faut l'équilibre à travers tout ça. J'ai l'impression que c'est toujours un peu plus dans le bas que dans le haut. Est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous une petite mémoire qui est là, une partie ombre de vous, qui s'appelle justice et injustice, que vous trouvez que c'est pas toujours juste la vie, c'est pas toujours correct? Oui, tout à fait, oui. Alors, je vais parler québécois le mois d'août, parce que vous dites... Oui. Août. Août. Alors, le chiffre 8, c'est le mois d'août. Alors, et ça, dans le tarot, c'est la justice. Alors, pour vous, c'est important d'être flexible. Soyez tolérante, parfois, aux situations que vous rencontrez. Parce que pour moi, les situations, c'est des acteurs qui nous amènent ça dans notre vie et qui viennent nous bousculer émotionnellement. Mais il ne faut pas qu'ils bousculent toujours. À ce moment-là, il n'y a plus d'équilibre et ça devient déstabilisant. Alors, faites votre possible pour aller dans votre cœur et mettre ça léger. Puis, donnez-vous la permission, des fois, d'avoir du plaisir. C'est important. Mm-hmm. Je pourrais vous proposer un devoir. Si je serais chez moi, c'est ce que je ferais. C'est quoi, le devoir? Un devoir, c'est une fois par jour, au moins 5-6 minutes par jour, trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Pas de la joie, du plaisir. Ah oui, il y a une différence entre la joie et le plaisir. Oui, de la joie. Le plaisir, c'est dedans. Dedans. Non, la joie, c'est en dedans. C'est chaleureux, c'est doux, c'est tendre, c'est le cœur. Le plaisir, c'est le corps. Je vais écouter un film, si c'est bon, j'ai un plaisir. Je peux avoir de la joie qui va y participer. Ouais. Mais c'est un plaisir d'aller marcher dehors. Nous, chez nous, on dit prendre une marche. Même si c'est juste 5 minutes, regarder le soleil se lever, c'est un plaisir. Trouver un plaisir. Prendre une marche. Nous, si on prend une marche, on a très mal. La marche. On a très, très mal. Ça dépend où on la prend, mais en général, prendre aussi, on dit j'ai pris une marche, c'est quand j'ai un joli bleu. On dit ça aussi, avoir des bleus? Des bleus sur les jambes? Bleu. Je me suis fait un bleu. Oui, nous aussi. Je peux vous montrer mes jambes, les quelques-uns. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir aujourd'hui. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 kilomètres gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 kilomètres gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Rendez-vous samedi après-midi, place Saint-Lambert à Liège pour applaudir Suarez, Alice on the Roof, accompagné par l'orchestre et les chœurs de l'Opéra Royal de Wallonie dans le cadre de l'opération Debout Citoyen. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 10 septembre à Liège. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance.

Je travaille en évolutif, donc pour prendre soin de soi. Alors, 22 nombres. Alors, si je prends, exemple, un chiffre ici, j'en ai un 27, la journée, ça va, je vais additionner 7 plus 2. Le jour de la naissance. Oui, parce que ça fait 9. Oui. Parce que j'ai juste 22 cartes. Oui. Le mois, on ne change jamais rien, 1 à 12. Oui. On garde les... Mm-hmm. C'est pas une numérologie traditionnelle. Et l'année, on va additionner les 4 chiffres. Et c'est certain que ça va dépasser 22 et on réduit en bas de 22. À 23, ça devient 5. 3 ah oui, plus on fait 2 plus 2, d'accord. Au-delà de 22, on additionne, d'accord. Exact. Okay. Et après, on va additionner le jour, le mois, l'année, qui ont été réduits entre 0 et 22. Et ça nous donne le total, notre objectif de vie ou notre mission ou notre but. Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Alors, selon chaque nombre. Alors, quand je parle aux gens, j'ai tout calculé devant moi et c'est avec ça que je leur parle. D'accord. Bien, bien. Est-ce que c'est assez clair? Oui. Ce que je voudrais savoir aussi, ma deuxième question, c'est en donnant le résultat de votre analyse, les plus, les moins, est-ce que ça peut parler à d'autres personnes qui sont nées à un autre moment, mais qui se retrouvent dans ce chiffre-là? Oui. Ce nombre-là. Parce que, exemple, si quelqu'un a une étoile, le chiffre 17, oui. Ben, tout le monde qui a une étoile... a besoin d'apprendre à croire à sa bonne étoile, d'avoir la foi, l'espoir, c'est bon pour tout le monde. Mais on n'aura pas les mêmes acteurs dans notre vie. Non. Parce qu'on est dans des familles différentes, des frères, des sœurs, des parents. Alors, un travail même. Alors, on va travailler, la base de l'énergie est là, mais on va travailler là-dessus. Le principe va être le même, mais différent. Non, ben oui, ça c'est sûr. L'espoir, c'est de l'espoir. Dans quelques instants, c'est Florence qui viendra à nous exposer sa date de naissance à elle. Elle sort d'un burn-out, elle attend un déclic, dit-elle, pour commencer une vraie vie. Donc on aura l'occasion de parler de ça avec elle. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Ixina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Ixina.be, c'est bien pensé. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230€ sur l'avenir.net/rentrée. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival du vin. À l'achat de 6 bouteilles identiques, recevez un magnum gratuit du même vin parmi une sélection de 11 vins. Profitez-en jusqu'au 20 septembre inclus. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai. New thinking, new possibilities. C'est la rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West, sortie 14, parking facile. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Avec Carole Isabelle, elle vient du Québec, elle est auteure, elle est tarologue. Elle enseigne le tarot évolutif, elle anime des ateliers, elle donne des conférences et elle répond à Florence. Bonjour Florence, bienvenue Florence. 17 bonjour mars. Sylvie, bonjour Carole. Bonjour. 69. Vous sortez d'un burn-out. Vous attendez, dites-vous, un déclic pour commencer votre vraie vie. Ça doit vous parler, ça, Carole. Oui. Ce qui va être important de comprendre pour vous, et le mot « comprendre » fait partie de... Ça va vous aider. Faites votre possible pour ne pas trop rester coincé dans votre mental, dans votre tête. Et de lâcher prise. Est-ce que vous avez beaucoup d'attentes? J'ai l'impression que je ne sais pas ce que j'attends. Faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas. Ne vous en faites pas. C'est ça. Votre objectif de vie, c'est l'ermite qui est le chiffre 9. Alors, vous êtes à la recherche de votre « je suis », tout simplement. Et on cherche, mais vous allez trouver. Mais sur la route, on rencontre tout plein d'endroits où on arrête, on continue. Alors, vous serez toujours à la recherche de votre « je suis », continuellement, mais vous devriez tranquillement vous faire des projets plutôt que de toujours vous tracasser dans la tête. Vous avez besoin de prendre d'air, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'avancer. Osez prendre des risques, c'est bon pour vous, mais toujours vous poser la question, quelle est la conséquence de mon choix? Si je vais à telle place ou je fais telle chose. Mais retenez que le mot comprendre pour vous, c'est très, très important. Quand vous comprenez, le déclic va arriver. Quand vous ne comprenez pas, vous faites du surplace. Donc, si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est ça que vous voulez dire, Carole? Elle a besoin de comprendre, pas nécessairement qu'elle n'est pas dans la bonne direction. Parce que j'ai fait tout ça à date de naissance, c'est que j'ai devant moi. Et le mot comprendre, c'est important. Quand vous comprenez, vous avancez. C'est important ce qu'elle a dit aussi. Hein? Je ne sais pas vraiment où je vais, je ne sais pas... Un jour à la fois. Et le burn-out, vous ne serez pas toujours là-dedans. Et prenez ça comme un cadeau. C'est un gros cadeau. La remise en question qui s'en découle, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. La remise en question qui s'en découle et les choix peut-être qui peuvent s'opérer autrement. Merci Florence pour votre message et votre intervention. Évidemment, on fait court, mais vous ferez plus longue un peu plus tard, comme on dit. Vous ferez plus longue un peu plus tard, puisque vous êtes en Belgique en plus pendant 15 jours et que vous recevrez, hein, je donnerai votre numéro de téléphone, on pourra peut-être avoir une consultation, comme ça se dit, entre guillemets. Donc je donnerai un numéro de téléphone juste après 14h. Say, hey, hey, hey, hey, leave it like we're ready, can't. Say, hey, hey, hey, leave it like we're ready. Félix Ambassadeur sur Vivacité. Carole Isabelle, une heure avec nous encore. Le Québec à l'honneur et surtout son livre qui s'intitule Le Tarot pour le cœur et l'âme. Calcul pour la vie antérieure, merci à soi-même, de l'ombre à la lumière ou encore la sagesse de l'âme. Tout ça est dans son livre qui vient vraiment de sortir. L'info à suivre, 3063 si vous souhaitez nous donner votre date de naissance et surtout la question qui va avec. De l'expertise, du cœur et de la passion. C'est ce qu'Intermarché vous propose durant ces trois semaines de foire au vin. Nos experts partagent avec vous une sélection de qualité et toujours au prix le plus bas. De quoi vous faire plaisir jusqu'au 25 septembre. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Au fond d'une armoire, toute seule dans le noir, je me sens seule abandonnée après tant d'années. Moi, la vieille chaussure, je mérite vraiment autre chose. Me laissez pas là, offrez-moi une bonne cause. Hey, hey, I will survive. Emmenez-moi chez Brentano et offrez-moi une nouvelle vie. Donnez une seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouverts ce dimanche, brentano.be. Un problème, Camille ? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne. Le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. Excellent après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Voici le flash de la rédaction avec Simon Gérard. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. La série noire va-t-elle se poursuivre après Caterpillar, AXA ? Aujourd'hui, ce sont les travailleurs d'Etias qui sont inquiets. Un conseil d'entreprise extraordinaire est en cours. L'assureur liégeois pourrait être racheté par Belfius. En tout cas, des rumeurs circulent. Les syndicats craignent donc un bain de sang social. Il pourrait y avoir des suppressions de postes car il y aurait des doublons. Etias emploie pour le moment 1600 personnes. Hier, Bernard Thierry, le PDG de l'assureur Etias, a été écarté par le conseil d'administration. Du côté de Caterpillar, les ouvriers feront acte de présence, mais pas plus. Le travail ne reprendra pas cette semaine, nous confirme un responsable syndical chrétien. Les syndicats demandent à leurs affiliés également d'être prudents. Ne publiez pas de déclarations fracassantes sur les réseaux sociaux à propos de l'entreprise ou de vos collègues. Des réunions sont prévues tout au long de la journée pour évaluer la situation. Les mauvaises nouvelles pour l'emploi se sont multipliées donc ces derniers jours et pourtant les multinationales implantées en Belgique sont plutôt optimistes. La confiance se maintient malgré les attentats. Selon le baromètre de la Chambre américaine de commerce de Belgique, les grandes entreprises qui ont répondu sont nombreuses à vouloir investir dans notre pays. Elles sont deux fois plus nombreuses qu'il y a deux ans. Un petit bémol tout de même, le taux d'imposition pour les sociétés trop élevé qui pèse un petit peu sur l'optimisme des multinationales chez nous. En France, deux personnes ont été placées en garde à vue aujourd'hui. Les enquêteurs soupçonnent ces deux personnes d'avoir voulu commettre un attentat terroriste. Une voiture remplie de bonbonnes de gaz a été découverte ce week-end à Paris, près de la cathédrale Notre-Dame. Le propriétaire de la voiture a lui été arrêté hier. Il était fiché S, donc pour radicalisation. Enfin, si votre fille s'appelle Emma, eh bien malheureusement, vous n'avez pas été très original. La direction des statistiques a publié les chiffres des prénoms donnés aux nouveau-nés en 2015 en Belgique. Et nouvelle fois, c'est Emma qui arrive en tête. C'est la 13e fois d'affilée. Oui, chez les garçons, c'est Louis qui décroche la première place. C'est la 3e fois de suite pour Louis. La météo, sortez les barbecues, ciel bleu, grand soleil, entre 26 et 28 degrés aujourd'hui. Même chose pour demain, après-demain et samedi, ça se gâte. Par contre, pour dimanche. RTBF Mobile Info, comment ça se passe sur les routes, Pierre Collard-Bovis ? Bien, toujours cette perte d'huile sur le ring de Bruxelles. En intérieur, c'est à hauteur de Wautier-Bren. Les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont soustraites à la circulation pour le nettoyage. C'est en direction de Grand-Billard. Sur le ring de Bruxelles, léger ralentissement en intérieur entre Wezembeek et Tervuren vers Waterloo. En extérieur, entre Woluwe et Saint-Étienne et Diegem, ainsi qu'entre Strombeek et Wemmel vers Grand-Billard. 30 minutes perdues dans le chantier de Charade sur le 40. Bruxelles, Aix-la-Chapelle. C'est bien entre Votem et Charade vers l'Allemagne que vous perdez les 30 minutes. Léger ralentissement également vers Bruxelles entre Charade et Herstal. Un accident sur le 40 au stand de Bruxelles entre Drongen et Westrem-Saint-Denis. Le passage est difficile, 6 km de ralentissement et vous perdez grosso modo une heure en direction de Bruxelles. 15 minutes perdues également à la frontière française sur le 17 Gand-Lille entre Albeek et Neuville-en-Ferrin. Neuville-en-Ferrin étant en France. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h04 sur Vivacité, c'est la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Alors, dis-moi quand tu es née et je te dirai qui tu es, c'est bien ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Carole. Ça, j'ai bien compris. Ah, ben oui. Super. Voilà un beau titre pour un livre. Est-ce que c'est déjà pris ? Sinon, on le dépose. Allez, c'est quoi déjà le titre ? Dis-moi quand tu es née. Et je te dirai qui tu es. Voilà. C'est bien ça ? Attention, vous devez le citer, hein. Il demande très cher. Oui, hein. Oui, je demande un copyright. Il coûte cher. Oui, il coûte cher. Je vais réfléchir. Merci, Simon. Un gros bisou, ça ira. Ah, ça va, je plaisante. Merci pour ce flash. L'info revient à 15h. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment, chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Le beau vélo de Ravel. On change totalement de cadre ce samedi pour le beau vélo de Ravel, puisqu'après le décor campagnard de Pérouet la semaine passée, place à la ville, la vraie ville, avec une balade au départ de la place Saint-Lambert. Nous serons en effet à Liège, dont le réseau cyclable est bien développé. C'est ce que nous confirme tout de suite Adrien Jovenot et son invité. Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. À Liège, on a le cœur sur la Meuse et sur la main. On est très généreux, on aime bien partager et on va faire avec vous des croisières au fil de l'eau. On en parle avec Michael Mercier. On sera installé à Place Saint-Lambert, Michael, mais on ira aussi sur la Meuse. La Meuse viendra à nous, au cœur du village. Exactement, Adrien. Bonjour à tous. Et donc effectivement, pour cette presque avant-dernière étape du beau vélo de Ravel, nous allons faire découvrir aux gens la ville de Liège d'une façon un peu différente, effectivement, à partir de l'eau. Et donc, au départ du village qui se trouvera sur la place Saint-Lambert, eh bien, on ira marcher rapidement vers la Meuse, où on embarquera pour une petite croisière qui permettra de découvrir finalement la ville sous un autre regard, et peut-être certainement l'un des plus beaux, qui est le long de son fleuve. Et donc, ce sont des croisières que l'on peut faire le reste de l'année, soit au départ de l'Aquarium Muséum de Liège, donc il y a un embarcadère juste en face, où on peut faire donc une découverte de Liège. Et puis maintenant, il y a ce nouveau petit service qui permet de rejoindre toute une série de nouveaux lieux ou de lieux touristiques à Liège, notamment le nouveau musée de la Boverie, avec un système de navette, une sorte de petit train touristique sur l'eau maintenant, qui permet de rejoindre un point intéressant à un autre. Comme les Namourettes namuroises, mais à Liège. Voilà, exactement. Ouais. Alors ça. Ce samedi, hein, le 10 septembre, nos auditeurs pourront goûter à ces croisières au fil de l'eau. Exactement. Ça va coûter combien ? Alors ce sera gratuit pour toutes les personnes qui viendront s'inscrire à côté du stand 365.be. Il y aura un stand Liège Croisière et donc voilà, on pourra faire toute une série de petites inscriptions, bien sûr pour les participants du beau vélo. Donc à pied, un vélo ou en bateau, découvrez Liège au fil de l'eau ce 10 septembre avec, je le rappelle, à l'arrivée, la clôture de l'opération Debout Citoyen et le grand concert de l'Opéra Royal de Liège avec en guest star Suarez et Alice on the Roof, à vivre en direct sur Vivacité. Merci Michael. Merci Adrien. Bon préparatif à toutes et à tous et on se retrouve évidemment demain, même chaîne, même heure sur Viva pour vous parler de ce beau vélo de Ravel à Liège. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Carole Isabelle. Ça va toujours, Carole ? Très bien. Deux R, deux L, votre prénom. C'est rare écrire Carole avec deux R. C'est un fait et je suis allée vérifier. Et c'est vraiment ça. Sur mon passeport, c'est comme ça. C'est mon vrai prénom. D'accord. Je dis ça pour ceux et celles qui voudraient vous trouver sur Internet. Hein. Carole, donc c'est écrit avec deux R, deux L. Isabelle, E-L. Bref, et voilà. Faites pas les choses comme les autres, hein, vous. Oh bah non. Vous êtes québécoise, auteure, tarologue, enseignante du tarot évolutif, animatrice d'ateliers, conférencière. Vous faites du développement personnel. Vous serez, oh là là, en conférence-atelier ce jeudi 15 septembre, le jeudi 15 septembre, à Andrimont, à la salle de l'espace arc-en-ciel, à Andrimont, atteindre l'amour par l'acceptation de soi. Ça, c'est une chose. Vous serez aussi à Aubel pour plusieurs événements, 3 ateliers exclusifs et un événement littéraire. Le vendredi 16 septembre, le tarot des amours. Le samedi 17 septembre, le tarot de la date de naissance. Le dimanche 18 septembre, le tarot des vies antérieures. Et toujours ce dimanche 18 septembre, il y aura une après-midi festive. Voilà, présentation, conférence active pour apprendre à calculer une vie antérieure. Donc ça aussi, vous faites des consultations privées dans la région de Verviers. De Bâtisse. Oui. Je m'adresse à votre chauffeur taxi, là. Yes. Juste à côté, qui doit se dire, oh là là, si elle m'emmène. Voilà, dans la région de Bâtisse. Et vous serez donc en Belgique pendant 15 jours. Et vous serez aussi au salon Zentopia, à Verviers. Du 9 au 11 septembre, vous donnerez la première conférence de la série. Voilà. Ce samedi, de 16h45 à 18h, vous nous expliquerez votre vision de l'acceptation de nous. De nous. Voilà. Et voilà, j'ai dit tout. Hein. Et vous avez aussi un site internet, bien entendu, que je vais mettre en ligne sur la page Facebook pour ceux et celles qui veulent vous suivre. Bon, on repart de plus belle, puisque nous aurons à nouveau dans quelques instants des auditeurs qui vont venir nous donner leur date de naissance, mais aussi une question par rapport à leur date de naissance, par rapport à un chemin de vie. C'est vrai que j'avais pris un exemple de personne qui nous avait envoyé un message. Je crois que c'était... Je ne vais même pas dire le prénom, parce que je veux rester un peu anonyme. Une personne qui nous disait qu'elle était pas trop bien et qu'elle s'entendait pas trop bien avec son mari pour le moment. Et voilà, elle nous demandait ce qu'elle vous conseillait de faire. Et je me disais, ce genre de demande, il y a des personnes qui viennent vous dire est-ce que je dois quitter mon mari ou pas, directement, voilà, bonjour madame Isabelle, je suis née tel jour, ouais, je ne m'entends plus avec mon mari, je dois le quitter ou pas, est-ce que des personnes oui, vraiment c'est, comme ça, c'est fréquent. Et vous dites, oulala, attendez. Moi, je dirais jamais à quelqu'un de se séparer ou de divorcer, parce que c'est trop intime, c'est trop important. Oui. Alors, mais je vais regarder la date de naissance. Mais vous n'êtes pas Madame Soleil, quoi. Donc, par rapport. Pas du tout. Encore une fois, par rapport à une question aussi délicate, parce qu'on est vraiment dans une question aussi délicate. Oui, mais je peux dire. Exemple, si j'avais cette personne-là devant moi, chez moi, je lui dirais de prendre le temps, parce que dans sa date de naissance, il y a le chiffre 9, qui est le mois de septembre, qui représente l'ermite. Alors, respectez le temps, dédramatiser. Mais regardez ce que vous voulez vraiment, vous. Et c'est pas toujours facile, s'il nous énerve, pour regarder aussi qu'est-ce qui nous énerve en dedans de nous-mêmes. C'est vrai qu'elle a beaucoup de neuf. Elle a beaucoup de neuf dans sa date de naissance. Le neuf... C'est prendre le temps. C'est le respect du temps et aller voir vraiment à l'intérieur. Et ces personnes-là détestent être bousculées. Mmh. Alors, je sais pas qu'est-ce qui l'agace, qu'est-ce qui ne marche pas? Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Non, c'est pas ça. Non. Mais si une chose n'est pas réglée, le prochain, il va avoir encore un problème similaire. Non, c'est vrai. Parfois, on a tendance à dire que c'est à cause de l'autre, alors que c'est en soi qu'on doit... C'est soi-même. Il faut travailler sur soi. On a beaucoup de parents qui nous questionnent pour leur enfant. Des enfants qui sont un peu en mal-être. Donc j'ai envie quand même de donner la parole dans quelques instants à Olivier et Marie-Hélène. Voilà, ce seront les deux qui viendront vous communiquer leur date de naissance. 3063, si vous souhaitez vous aussi intervenir, juste après Matcon. Tomorrow. Don't worry about a thing. the record spinning. The music never stops. You wanna live forever and reach above the stars. Let's take it to the next level. Just light the spaceship up and surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your paws so we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ. Young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Glow is the bass and the high is the feeling. The world is the club, all in. Cause we can, this one for the books. Don't worry about a thing. Can't sur Vivacité. On a quand même beaucoup, beaucoup de messages. Hein. Je vous en lis beaucoup, puisque vous ne savez pas, évidemment, répondre à tout le monde. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. C'est frustrant. Hein. Je reviendrai en 2017. C'est frustrant, mais c'est vrai que beaucoup de questions se rejoignent. Des personnes, voilà, je lis Sabine ici, elle nous dit divorcée depuis 7 ans, j'ai mis ma vie de femme de côté pour mes enfants. Vais-je sur mon chemin de vie rencontrer mon homme de cœur, construire une vie de couple? J'ai vu aussi le message d'une mamie, je ne sais plus son prénom, mais j'ai lu son message en vitesse qui me disait je me consacre trop à ma famille, Sylvie. J'aimerais bien finalement vivre un peu pour moi. Quand est-ce que je vais commencer à vivre pour moi? Vous voyez, ce genre de questions que les gens posent. Et c'est comme très si délicat. La réponse viendrait de vous, bien sûr. Comme si... c'est que ça doit venir de l'intérieur. Ils veulent un déclic, à mon avis, ils veulent un déclic. Ils veulent vraiment quelqu'un qui les aide. C'est quelqu'un qui les aide à voir clair en eux et à leur donner le courage d'eux. Parce que c'est ça. Quand on pose une question comme ça, c'est parce qu'on n'a pas le courage de dire à un moment donné stop. Stop, stop, stop. Stop, je fonce. C'est pas évident de tout laisser en arrière. C'est extrêmement difficile. Surtout lorsque ça fait des années et des années. Que ça fonctionne comme ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais ici, c'est un survol que je fais. Je peux pas aller plus loin. Oui, mais voilà, donc vous faites bien de le dire. Et c'est sûr que je voudrais pas non plus que les personnes soient frustrées. Donc c'est vraiment un survol. Ben, votre livre, il est là. Hein, donc dans les livres, c'est un livre de référence, donc on sait en apprendre beaucoup plus. C'est vrai, quand on lit ça, en plus, il est pas lourd. Non, il est tout beau. Il est tout léger. Il est rempli de chiffres. Ça, c'est normal. Mais quand on lit ça, on peut tous en sortir. Hein. Enfin, je veux dire, on peut tous comprendre, même si on ne connaît pas grand-chose. C'est un outil pour aider la personne à être bien avec son être. Voilà. Alors, c'est ce qui nous importe. On peut apprendre le tarot, comme on peut comprendre des choses sur soi. On peut coucher ou porter une carte de tarot sur soi. Dans le livre, je l'ai marqué, les 22 cartes, qu'est-ce qu'elles apportent? Parce qu'il y a des cartes que ce n'est pas bénéfique de porter sur soi. Exemple, dans mon porte-monnaie, moi, j'ai une carte de tarot, ça fait des années, c'est la 14, tempérance. Elle protège, alors j'y crois, ça me fait du bien. Ben, pourquoi pas? Mais il y a d'autres cartes qu'il ne faut pas porter longtemps sur soi. Il faut le savoir. Il y a tout plein de choses, je vais expliquer le temps des cartes là-dedans. Mm-hmm. Exemple, le 22, le mois, si on se fait un tirage de tarot, ça veut dire pas tout le temps. Mais donne-toi un an, donne-toi une année, prends le temps. À l'intérieur d'une année, il va se passer telle chose. Mm-hmm. Ici, je ne fais pas de tirage, on fait un survol. Oui, on fait un survol. On survolera aussi les questions que viendront nous poser Olivier et Marie-Hélène, mais encore une fois, peut-être que ce petit survol leur donnera le déclic pour mettre des choses en place. Que cela apportera un bien-être. Un bien-être, voilà, et un après. 3063 pour vos messages. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la web-série Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La 2, en télé. L'ambiance des JO continue. Retrouvez Nafisa Toutiam, Philippe Milanov, les Belgian Tornados et tous les athlètes de la Team Belgium sur la piste ou en coulisses. Savourez la fierté d'être belge lors d'un événement exceptionnel. Le Mémorial Van Damme, vendredi soir sur la 2. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. BMW, aujourd'hui, c'est 100 ans de plaisir de conduire et d'innovation. Un anniversaire que nous fêtons en vous offrant les BMW Innovation Deals. Profitez par exemple de 11 675 euros d'avantage sur la BMW Série 5. Une offre exclusive grâce à laquelle votre BMW est encore plus exclusive. Les BMW Innovation Deals, c'est jusqu'au 15 octobre chez votre concessionnaire BMW. Infos et conditions sur bmw.be. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Je vais mettre deux sites sur la page Facebook. Je vais mettre votre site internet à vous, pour que les gens vous connaissent, et un site internet qui parle de votre présence en Belgique. Oui. D'accord, pour qu'on sache où aller vous écouter. J'ai dit tout à l'heure que vous serez en conférence le samedi à Zentopia. Non, c'est vendredi que vous serez en conférence. Vendredi de 16h45 à 18h, donc le 9 septembre. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Olivier, vous téléphonez pour votre fille, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, votre fille qui a 8 ans et qui... Vous dites qu'il y a une espèce de mal-être en elle. Oui, Olivier. Voilà. Un mal-être, une frustration. Elle peut passer de l'état de la joie à la colère en 10 minutes, on va dire. Et il faut savoir que sa mamie est décédée un mois avant sa naissance et elle a ce mal-être en elle de toujours savoir... poser plein de questions jusqu'à l'état où elle peut en pleurer comme si elle avait connu par rapport à sa mamie. Oui. Et donc je me demandais toujours s'il y avait une sorte de connexion quelque soit, je ne sais pas. Donc voilà, je me disais qu'avec sa date de naissance, peut-être qu'on pourrait aider à pouvoir l'apaiser, à surmonter ça. 1er mai 2008. Alors elle est jeune, elle a 8 ans. Alors il faut être prudent. Un enfant, c'est un enfant et il va se passer bien des choses dans sa vie. Elle va vivre bien des situations, elle commence. Mais il est certain qu'elle est porteuse, que je dirais, de... toute sa vie, elle va avoir à se reconstruire, d'accord? Pourquoi? Comment l'aider? Apprenez-lui tranquillement à s'aimer le plus possible, à lui faire confiance, lui dire des compliments, mais sans jamais trop grossir les choses. Vous savez, il y a des parents qui vont dire à leur enfant, « T'es le plus fin, t'es beau, t'es capable. » Et lorsqu'il arrive un petit quelque chose, bien, il se brise parce qu'on a trop mis. Mm. Et pour l'enfant, ça devient exigeant vouloir satisfaire papa, maman, etc. Mm. Parlez-lui de la mamie, dites-lui que mamie, elle est bien là-bas. Et qu'elle doit faire confiance, qu'elle doit vivre sa vie à elle. Je ne sais pas quel est le lien qu'elle a avec mamie encore aujourd'hui, parce que c'est dans l'invisible. Mais ramenez-la sur la terre, tranquillement. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, à chaque fois, on n'est pas demandeur à ce qu'elle pose autant de questions. Mmh. Ça, c'est spontané. Et on essaie toujours de lui en parler avec le plus d'amour possible, on va dire. Mais c'est pas toujours évident, elle n'accepte pas certaines choses, elle n'accepte pas le fait de ne pas avoir connu sa mamie, et donc du coup ça lui met une colère en elle. Et donc pas trop facile à pouvoir gérer, on va dire. Est-ce que vous lui avez expliqué que c'est mamie, qu'elle était prête à partir? Ça mérite quand même un travail un peu plus important, non? Enfin, je ne sais pas, mais quand j'entends votre réflexion, Olivier, ça m'interpelle et je me dis, oh, il faut quand même se pencher un peu sur ce... sur ça, non, Carole, qu'est-ce que vous en pensez mais de... d'aller voir quelqu'un, peut-être, vous voyez, ici en la radio, en trois minutes. Voilà. Mais je trouve que ça mérite vraiment, moi je pense, Carole, je ne sais pas si vous me suivez, mais que ça mérite vraiment que qu'Olivia aille consulter quelqu'un, voir un petit peu ce qui se passe en effet. Parce aller que chercher de l'aide. Il faut, oui. Il faut voir n'importe qui. Non, voilà. Bien cibler la personne. Ça, c'est sûr. Que ce soit un psychologue, un thérapeute, un médium, n'importe qui, mais que ça soit bien ciblé, quelqu'un de bien. Parce que votre fille, bon, je peux dire ça, qu'elle peut avoir un don particulier. En tout cas, c'est interpellant. C'est interpellant. Moi, j'irais consulter, mais quelqu'un de vrai et de sérieux. Voilà. Olivier, j'ai peut-être, enfin je sais pas, comme ça je dis, j'ai pas de nom, mais je vais réfléchir. Marie-Hélène, bonjour, bienvenue Marie-Hélène. Oui, bonjour. Bonjour. Marie-Hélène, le 26 avril 65, vous dites j'ai tourné une page de ma vie, je suis en train de commencer à en écrire une autre très très très belle. Est-ce que ça va continuer? Voilà, ça c'est aussi un peu... Est-ce que... Donc la question c'est de dire, voilà, est-ce que finalement j'ai eu un passé jusqu'ici, et là... Il y a quelque chose qui commence, quelque chose d'autre qui commence. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, Carole, dans une date de naissance, dire qu'il va y se passer une boucle, comme vous avez dit tout à l'heure à un auditeur? Bonjour. Vous n'êtes pas bonjour. Vous n'avez pas de mois de 22 qui fait la boucle, mais vous venez apprendre, apprivoiser la joie de vivre. Vous êtes dedans. Alors, donnez-vous donc la permission d'y croire, de le déguster, de le vivre. Vous avez tourné la page, c'est toujours le même livre, on change de chapitre, mais c'est toujours le même livre. Prenez le temps de le déguster, ce nouveau chapitre que vous êtes après écrire. Amusez-vous, donnez-vous cette permission et arrêtez d'avoir des questions, est-ce que ça va durer longtemps ou pas? On va prendre comme une vie en lourd. C'est pas moi, Carole, oui, on prend ça comme ça vient? Oui. Oui. Je peux vous donner un exemple, oui? C'est personnel. Écoutez, ma fille a 42 ans. Elle est en amour total avec un jeune homme de 26 ans. Oh, vous savez ce que je lui ai répondu? Un jour à la fois, vis ce que tu as à vivre, sois heureuse. Amen. Ça peut durer 20 ans, ça peut durer... Ben là, ça fait quand même 3 mois. Ça peut durer, on ne sait pas combien de temps, mais prends le temps. Sois heureuse maintenant. On ne sait pas que demain est fait de quoi. On se tracasse trop souvent. Je crois que je dirais la même chose. C'est vrai? Oui. Oh, elle est éclatante. Alors, si vous êtes éclatante, allez déguster. Mais mettre en garde malgré tout, en tant que maman, mais en disant, profite. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir. Alex Germis s'installe dans la programmation musicale. Jérémis, je suis très heureuse encore une fois qu'Carole Isabelle soit avec nous et qu'elle reste 15 jours en Belgique. 15 jours de vacances, 15 de jours plaisir. De... Absolument, je sais que vous le vivez comme ça et donc c'est pour ça que j'invite les auditeurs à aller prendre votre énergie, celle que vous avez ici en vacances, mais pour notre plaisir finalement, puisque vous donnerez des conférences, des ateliers, vous serez présente à Verviers du 9 au 11 septembre à Zentopia, vous donnerez cette conférence atelier le 15 septembre en soirée à Andrimont, vous serez à Aubel, jolie région aussi pour des ateliers exclusifs, un événement littéraire 16, 17, 18 septembre, tout ça sera en ligne. Dans quelques instants nous entendrons Brigitte et Sybille qui ont des questions à vous poser et surtout des questions à se poser elles-mêmes personnellement, parce qu'il n'y a pas de secret non plus quand on pose une question à quelqu'un. C'est parce qu'on se la pose d'abord à soi. Hein? Exactement. Mais on essaie que ce quelqu'un réponde malgré tout un petit peu pour ensuite avoir encore plus de réponses à s'autodonner. Brigitte et Sybille interviennent juste après ceci. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Hé, hey, les jeunes! Ouais, vas-y, tu m'appelles! Vous avez pas connu Bon Week-end à la télé? Non, ça va, je connais pas! Eh ben alors, vous connaissez pas Berlu et sa voix typique? T'en fais pas, c'est j'ai l'habitude. Ouais, c'est qui ce Berlu? Eh ben, les jeunes, c'est pas une raison de pas écouter le 8-9 ce jeudi. Berlu revient dans sa salopette, mais pour une pièce de théâtre, Petits crimes conjugaux d'Éric Emmanuel Schmitt, à Namur et à Liège. Le grand retour, les jeunes, de Berlu. T'en fais pas, y a pas de texte! C'est ce jeudi dans le 8-9. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Oh, moi, je ne suis que le trait d'union entre les auditeurs et vous, hein, Carole Isabelle, aujourd'hui. C'est vous, en effet, qui faites tout le boulot. Ouais, avec votre stylo, votre page blanche et votre calculette. Ah ouais, hein, y a un âge où on aime bien avoir sa petite calculatrice à côté de soi. Hein. C'est plus rapide. Oui, c'est plus rapide. Et c'est juste. Et normalement, c'est juste. Normalement. Brigitte, bienvenue. Bienvenue à vous. Bonjour. 29 juin 1955, Brigitte. Vous ressentez beaucoup d'hypocrisie, dites-vous. Vous cherchez le bon comportement à adopter pour vous protéger d'une négativité injustifiée. Vous vous sentez mal entouré alors, en gros. Oui, j'essaye d'être le plus positif possible et j'essaye d'avancer dans ma vie et je ressens que comme quelqu'un qui se noie, je tends la perche et on veut m'attirer vers le fond. Je c'est veux ça. Pas. Il n'y a personne qui la prend. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez confiance en vous? Oui. Parce que vous avez 3-11 dans votre date de naissance qui représente la force. Alors, il est certain que pour vous, travailler sur la confiance, sur la foi en les gens qu'on rencontre, parce que vous avez aussi la carte de la justice, alors c'est sûr que parfois, il peut y avoir des batailles à l'intérieur de vous avec « c'est pas correct, c'est correct », une dualité. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Ben, ça remonte déjà à l'enfance. À partir du moment où mon père se parent très jeune, on ressent une injustice terrible. Il ne faut pas se faire d'illusions. Notre enfance, c'est qui on est aujourd'hui, qui nous suit avec les réparations qu'on a faites, avec les années, avec l'âge, avec le temps. Mais j'appelle ça des résidus. Alors, émotionnellement, il y a des petits résidus camouflés à l'intérieur de vous. et qu'il ne faudra pas qu'ils prennent possession de vous, ces résidus-là. Alors, travaillez le plus possible. Vous dites, vous êtes positif. Continuez, c'est excellent d'être positif. Puis, allez dans votre cœur, que ça sourit à l'intérieur de vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, que ça sourit, trouvez-vous belle, etc. Mais aimez-vous. Après, on n'a pas le temps à perdre. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, parce qu'elle écrit aussi « Je n'accepte pas qu'on m'agresse quand je n'ai rien fait ». Donc, c'est un peu se sentir aussi un peu coupable ou victime. Ou... Est-ce que vous vous sentez coupable parfois? À l'appel, ça a fait un drame pas possible, que j'étais une fausse parce que je n'ai pas répondu à l'heure. Je dis, mais c'est incroyable ça. Donc, quelle attitude? Sur le coup, j'ai été agressive, mais je me dis quelle attitude adopter finalement pour être positive avec tout le monde. Ou des fois, on a le droit de dire non aussi. Hein? Oui. Parce que vous parlez que quelque chose qui a l'air lourd et important, mais prenez... ici, c'est un survol. Alors, prenez le temps de... Ne restez pas caché dans le placard, comme j'aime dire, parce que vous avez un petit vin ici, la carte, le jugement. Vous avez le droit d'ouvrir un petit peu la porte et aller prendre de l'air, de prendre soin de vous. Donnez-vous cette permission des fois. Allez, Brigitte. Hein? La nouvelle Brigitte est arrivée. Voilà, on va essayer de mettre ça en route. Sybille, bonjour, bienvenue, Sybille. Oui, bonjour, Sylvie. Bonjour, Carole Isabelle. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, merci. Ça va? Oui, oui, ça va. 18 du 6 en 67. Vous baissez trop souvent les bras, vous vous enfoncez dans ce que vous appelez la dysmorphophobie. Qu'est-ce que c'est? Dysmorphophobie. C'est-à-dire? C'est un petit peu un dégoût de se voir et ce qui me fait perdre pied face à certaines situations et certains choix auxquels je suis confrontée actuellement. Et je vais dire que cela dure depuis à peu près un mois et une semaine suite à je vais dire, une situation que je n'ai pas compris, que j'accepte mal. C'est un écartement au niveau de ma maman. Et voilà, je cherche toujours ce qui s'est passé. Je vais vous arrêter pour ne pas aller trop loin parce qu'autrement, je n'aurai pas le temps de vous répondre. Oui. Vous êtes le 18, d'accord, juin. Alors déjà, le 18, ça représente la lune en tarot. Et la lune en tarot, dans mon livre à moi, dans mon jargon, de ce que je ressens, de ce que je comprends, c'est que justement, on vient faire la paix intérieurement avec la femme, avec la première femme, c'est votre maman. Et vous avez... Oui. 2-6 qui est l'amoureux. Mais l'amoureux, ça ne veut pas dire tomber en amour tout le temps. Non, ça veut dire être amoureux de soi. S'aimer suffisamment pour se choisir et être flexible. Oui, il y a des pardons à faire. Il y a des choses qui sont inacceptables. Mais je peux vous confirmer qu'en général, vous ne saurez jamais comment va finir une histoire émotionnelle. Prenez le temps et faites confiance et gardez toujours la foi. Toujours l'espoir qu'il va se passer de quoi de positif. Voilà pour la date de naissance de Sybille, hein, qui voulait savoir un peu ce que ces chiffres révélaient. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi de ne pas parler d'une situation en particulier. Hein, je pense que... Exactement, c'est, ouais, on ne peut pas se permettre. C'est difficile pour vous d'y répondre, bien entendu. C'est pour ça que ce tarot, ce que vous survolez aujourd'hui, ce tarot demande un peu plus de temps. 070 23 33 23, SMS 30 63. On a aussi reçu la date de naissance d'un certain Frédéric. Oui, alors... Jeune Frédéric. Un jeune Frédéric, oui, lequel âge? 27 du 3 en 85. Alors, c'est un monsieur qui doit respecter le temps, mais qui a énormément besoin de parler, de communiquer, et qui a besoin d'être flexible et de prendre sa place. Il a un bon ressenti, il est très intuitif. Alors, monsieur Frédéric, suivez votre intuition, elle est bonne. Faites-vous confiance. Oh, à cet âge-là en plus, hein, né en 85. L'intuition, la bonne intuition, Frédéric, elle est là. 070 23 33 23, SMS 30 63. Voici David Hallyday, et tu ne m'as pas laissé le temps sur Viva. Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passé, comme un miroir en éclat de verre. Mais à quoi ça sert? Ce que je voulais te dire reste sur des pages blanches. sur lesquels je peux tirer un trait. C'était juste hier, tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. On devrait toujours dire avant l'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps. Mais tu ne m'as pas laissé le temps. Tant donné, c'est dans tes yeux que je grandissais et me sentais fier. Pourquoi s'en prévenir? Un jour tout ça. Chanson, tu ne m'as pas laissé le temps important de dire, toujours dire avant, l'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps. Ça, c'est bien dit. C'est beau, hein? Très beau. Ah oui. David Hallyday pour cette chanson. Nous parlons des dates de naissance aujourd'hui. Nous parlons de vous. Nous parlons de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, des questions qui vous taraudent. On parle du tarot aujourd'hui, ça tombe bien. Vous êtes tarologue, Carole Isabelle, québécoise, auteure, conférencière, enseignante du tarot évolutif. Vous pourrez réécouter cette émission, bien entendu, en podcast. Et vous pouvez aller voir le site de Carole Isabelle, je viens de le mettre sur la page Facebook. Je vais mettre l'autre site sur lequel il y a votre agenda belge, puisque vous êtes là pour vous amuser. C'est pour ça que vous serez en conférence, en consultation, en atelier, en après-midi littéraire. Voilà. De l'amusement. C'est la belle vie. C'est la belle vie. C'est faire, la belle vie. Faire ce qu'on aime. La belge vie. Ah, oui, je vis. Ah, bon, oui. Maryse, dans quelques instants, s'exprime. On aura certainement un autre auditeur aussi. En télé sur la une. Elle est sortie de ce sac de sport et tout ce qu'elle a vécu avant, elle l'a oublié. Tous ses tatouages sont récents. C'est une carte au trésor. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduit à un crime. Blind Spot. Les trois premiers épisodes, ce jeudi sur la une. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti. Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Soir Mag. Soir Mag présente 14-18 Carnet de guerre. Vu le succès des précédentes collections, ne manquez pas ces 4 nouveaux récits inédits et passionnants pour ne pas oublier une des périodes les plus dramatiques de notre histoire. Premier livre ce mercredi, Mon ami le Bosch, au prix de 5,90€ seulement. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Space X Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spacexhours.com. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Carole Isabelle, québécoise, auteure et tarologue. On parle du tarot, on parle de votre date de naissance, parce qu'on se pose une grande question depuis très longtemps. Et si la journée, le mois et l'année de notre naissance n'étaient pas dues au hasard? Hein? J'y crois pas au hasard. Qu'est-ce que vous en dites, Maryse? Bonjour. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes déjà demandé pourquoi vous étiez née ce jour-là, à cet endroit-là. Voilà. Vous voulez une réponse? Je vais vous dire ce que je ressens, ce que je vois aussi avec vous. Le 16/01/61. Oui. Alors, vous venez apprendre à croire en vous. Même si parfois on ne sait pas émotionnellement qu'est-ce qui se passe en dedans, qu'on est un peu perdu. Est-ce que vous croyez à votre bonne étoile? Oui. Alors, c'est important. Un petit oui, c'est un petit oui, Maryse. Oh, il est petit, c'est un petit bébé, petit. Oui. Important de. Vous serez toujours en pleine reconstruction. Reconstruire vos valeurs, vos principes, vos états d'âme. Mais donnez-vous la permission au succès. Vous y avez droit. Et qu'on soit au Québec ou en Belgique ou en France ou n'importe où, on vient apprendre à se donner la permission qu'on a droit de réussir, pas dans la vie, notre vie. Et vous, c'est votre objectif de vie. De vous donner cette permission-là de réussir votre vie. Alors, regardez ce que vous aimez et faites confiance en votre âme. Parce que là, jusqu'à présent, d'après votre message, Maryse, vous ne vous donnez pas vraiment non. du bien. Il faut commencer, parce que vous avez le battleur. Le mois de janvier, c'est le 1, c'est le battleur. Alors, c'est l'heure de commencer, je pense. Alors, ce soir, comme devoir, trouver quelque chose qui vous donne de la joie. Pour rééquilibrer tout ça. Une demain, une aujourd'hui, deux et demain, voilà. Trois après-demain. Alors, je vous propose comme devoir 365 devoirs, 10 minutes par jour, quelque chose qui vous fait sourire. Même si c'est quelque chose de ridicule, écouter un commercial à TV, à radio, moi, ça me fait sourire des fois. Alors, ça compte, c'est un bon point. Bon, voilà, donc Maryse qui venait nous dire qu'elle a toujours été mal dans sa peau, vous voyez. Vous ressentez ça malgré tout, de par sa date de naissance qu'elle a... C'est parce qu'elle vient commencer. Chose. Parce qu'elle vient... Elle a une maison Dieu le 16, alors vous devez commencer, parce que le battleur s'est commencé, en 1961 ça fait 17. C'est ma carte préférée du tarot, alors ne gaspillez pas ça, cette belle étoile-là. Commencez à y croire un peu. Allez. Pas une baguette magique, là, hein? Non, on n'est pas de baguette magique depuis le départ, hein, ça on a bien compris. Isabelle, bienvenue. Oui, allô? Beaucoup de questions, Isabelle, hein? Beaucoup, beaucoup. Oui. 21 du 1 en 63. Voilà, vous dites, je revis un épisode dépressif, ça veut dire que vous avez déjà fait une dépression? Oui, une grosse. C'est assez souvent? Ça revient, ça... Est-ce que c'est des dépressions majeures ou quand même plus petites? Ça a l'air costaud. C'était fort avant et maintenant c'est un peu différent, mais disons que ça revient régulièrement, plus le contexte, et, enfin il y a plein de choses qui font. Ouais, alors pour vous, c'est pas, une... Ou bien c'est bien, mais on me rabrouille, enfin... On me fait comprendre que c'est pas ça, alors que par la suite je comprends que c'est pas vraiment le cas, donc je ne sais plus sais pas ce que je vais faire. Et vous avez quel âge maintenant? 53, oui. Écoutez, vous êtes trop jeune pour pas finir le restant de votre vie dépressive, on est d'accord? Mmh. Alors, ça va être important d'apprendre à vous aimer. De quelle façon vous allez le trouver, c'est vous qui allez... Votre baromètre, votre radar, c'est votre cœur. Mais ne restez pas enfermé dans un placard. Si je serais au Québec et vous seriez une cliente, j'irais vous enfermer dans un placard. Je m'assoirais tranquille, j'attendrais que vous sortiriez. Alors, je pourrais vous proposer comme devoir... Moi, je suis claustrophobe, hein? Bon, ben ça commence bien. Alors, s'il vous plaît, ne restez pas coincé dans le placard de la dépression. Un jour à la fois, oui, mais trouvez-vous des petits trucs pour apprendre à recevoir et à aller courir après la joie de vivre. Trouvez quelque chose qui vous fait sourire. Important. C'est souvent la même chose que vous dites, hein, depuis tout à l'heure. J'ai pas le choix, il y a des chiffres qui se ressemblent trop. Je vous donne souvent trop des dates de naissance qui se ressemblent? Ben, pas nécessairement, mais... Les gens ont ce problème-là actuellement. Oui, parce que je prends ce genre de message, donc quelque part, ça oui. C'est parce que toi, t'es joyeuse, c'est ainsi. Je sais. Oui, tu l'assumes, tu fais tes choix. Et vous, Isabelle, vous avez à prendre le choix de décider que oui, j'ai envie d'être heureuse, mais c'est pas facile choisir avec le cœur. Choisir avec le cœur. C'est vrai que ça m'interpelle, hein, toutes ces interrogations. C'est terrible, quoi. Pour vous, c'est une priorité. Pour moi, c'est fort, tous ces messages qu'on a. Merci, Isabelle. J'espère vraiment que, voilà, qu'il y aura un petit déclic à partir de ce soir. Pourquoi pas? Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon. Oh, Caro! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête Anderlecht. Vous avez manqué le match des Diables Rouges? Pas de stress, ayez le bon réflexe et regardez le match quand vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché, Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood, BJ Scott, Steve Barrow, Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond. Enfin, c'était chouette, quoi. Et puis ça sentait bon, le neuf. Et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Ah, oui, mais ça, c'était avant. Hein. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant. Avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. C'est 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. La vie du bon côté. Carole Isabelle. Oui, madame. Présente. Oui. On dit présente. Quand... Carole Isabelle. Je recommence, présente. Bon. Bon, on n'a plus le temps de vraiment de prendre des auditeurs sur antenne. Ce que je voudrais, c'est vraiment donner des informations sur ce que vous faites. J'ai vraiment... Bah d'abord, on s'entend bien. Hein, on s'entend super bien. Vous savez que je vous l'ai dit quand même, que j'organise avec Julie Hercoulin deux journées au profit de Cap 48. Une à Mons, le 30 septembre, et une à Liège, une soirée, le 6 octobre. Vous ne serez plus en Belgique, bien sûr. Non, mais c'est dommage. Chanceux, ceux qui vont y participer. Ça, c'est gentil. C'est gentil. Et justement, je vais lancer vite un appel, parce que ma question, elle était celle-là, c'est l'année prochaine. On pourrait peut-être essayer que vous soyez en Belgique pour que vous soyez présente. voyez ce que je veux c'est dire. C'est une bonne idée. Je pense que je mets ça dans un coin de ma tête. Mais ici, on apparaît au plus pressé. Hein. Oui. On a mis ça au point en été. Et donc voilà, on a lancé ça il y a deux semaines. Donc le 30 septembre à Mons, nous organisons une journée d'atelier avec des ateliers de deux heures. Mais le thème central, c'est « Et si ma différence était ma richesse ?» Voyez, et vous l'avez dit à plusieurs reprises aujourd'hui, en disant on est tous uniques. D'abord, on est tous nés à un moment différent, à une heure différente, à un lieu différent, avec des parents différents, avec un environnement différent. On est tous uniques. Et c'est vrai que c'est ce qui fait notre particularité. Et c'est vraiment se servir de ce côté unique, de ces différences, qui devient une force. Voilà, pour en faire ma force à moi. Même notre partie ombre qui peut devenir une grosse lumière. Voilà. C'est exactement ça. C'est un peu ça le discours d'aujourd'hui. C'est quand j'entends tout ce que vous dites aux personnes et quand je lis et je vous lis beaucoup de messages qui nous arrivent, les gens sont en demande, évidemment, par rapport à ça, de recherche de soi. Et on sent quand vous posez la question, vous avez confiance en vous, les gens vous disent oui. Parce que, mais voilà, mais moi aussi, je sens, mais même à moi, hein, parfois je dis, oui, j'ai confiance, oui. Mais non, je sens bien qu'intérieurement, je ne l'ai pas. Donc c'est vraiment ça le plus important. C'est un travail sur soi. Qui sera jusqu'à notre dernier souffle, apprendre à s'aimer et à s'accepter comme on est, autant avec toutes nos couleurs, comme tu dis aussi bien là, avec le thème que tu vas développer. Oui, absolument. Donc le 30 septembre, je terminais par là, le 30 septembre, nous serons à Mons, nous organisons donc cet atelier de 2 heures, le matin ou l'après-midi, avec le petit déjeuner, avec le repas du midi, ah oui. Avec le verre de clôture le soir. Et le 6 octobre, nous serons en Liège, à Médiacité, pour une grande conférence. Il y aura 4 conférenciers de talent. Mais c'est vrai que, si je vous en parle, c'est que l'année prochaine, ce serait peut-être bien quand même qu'on mette un peu le tarot, là aussi, quand je vois l'importance que ça prend dans la tête des gens. C'est comme, au Québec, c'est comme ça aussi, de toute façon. C'est super important. Et ça sera toujours important. Ça sera toujours important. C'est notre être, c'est notre essence. Quand on connaît un peu qui on est, ça peut changer notre vie. Ça peut nous faire un 180 degrés, non pas un 360. Je ne veux pas revenir au début, alors 180, ça va plus loin. Bon, allez sur le site de Carole Isabelle pour savoir qui elle est vraiment. Allez sur l'autre site que je vais mettre en ligne maintenant pour savoir ce qu'elle fait en Belgique. Et puis revenez vers moi aussi, même si vous avez des questions par rapport à toutes nos émissions, mais aussi des questions par rapport à notre programme du 30 septembre pour vivre aussi une émission en direct le 30 septembre à Mons. Une émission en direct le 6 octobre à Médiacité à Liège. Un atelier de 2 heures et puis surtout, on fera la fête, c'est sûr, parce que vous aurez à manger et à boire, comme on dit. Mmh. Merci Carole. Bon séjour en Belgique et revenez évidemment le plus souvent possible dans quelques instants. C'est l'émission Aller-retour qui s'installe. Toutes les références sont sur notre page Facebook. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. C'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous n'auriez manqué ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Vos vieilles lampes et ampoules valent de l'argent chez la galerie. Recevez un bon de réduction de 10 € par ampoule et de 20 € par luminaire que vous nous rapportez. Voir conditions en magasin. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Et vous écoutez Vivacité, il est 15h. L'info avec Delphine Vreux. Bonjour, il n'y aura pas de tremblement de terre dans le monde des groupements d'achat alimentaires. C'est ce qu'assure le ministre fédéral de l'Agriculture, Willy Borsu, MR, interrogé en commission santé à la Chambre. Une volonté donc, rassurer les consommateurs qui vont se fournir directement chez les producteurs en regroupant leurs achats. L'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, veut plus de clarté dans le transport de ses colis et voudrait que ces livreurs occasionnels des particuliers déclarent l'activité. Le ministre précise que s'il s'agit simplement de composer des paniers, seules des personnes qui les transforment, qui divisent par exemple un colis de viande pourraient être contrôlées. Et ces contrôles de groupes d'achat alimentaire, ce n'est pas une priorité, commente de son côté l'AFSCA qui